Une miette de gens. Une miette de gens. Une miette de gens. Et beaucoup d'histoires. Une miette de vin et beaucoup d'histoires. Épisode 8. Inspirez, madame. Soufflez. Et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Oh ! 1 000 000 000 de 1 000 sabords. Mais qu'est-ce que c'est que ce souk ? Ainsi avait débuté la vie de Jaco. Il faut dire que le bougre avait tellement entortillé son cordon ombilical autour de lui que la sage-femme avait mis 2 jours à l'en dépatouiller. En grandissant, son amour des nœuds ne faiblit pas. Tout ce qui lui passe par les mains finit noué, entremêlé ou attaché. Il développe une expertise du lien. Ce qui l'attache, jamais ne se détache. Cette science lui sera utile dans son travail. Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Ohé, ohé, ohé, ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Ohé, ohé, matelot, matelot navigue sur... Jaco s'engage sur ce navire. Il partit pour un long voyage, il partit pour un long voyage, sur la mer Méditerranée, sur la mer Méditerranée. Ohé, ohé, ohé, ohé, matelot. Matelot navigue sur les flots. Ohé, ohé, matelot. Matelot navigue sur les flots. Au bout de 5 à 6 semaines, au bout de 5 à 6 semaines, les vivres vinrent à manquer, les vivres vinrent à manquer. Ohé, ohé, ohé, ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Ohé, ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. On tira à la courte paille, on tira à la courte paille, pour savoir qui serait mangé, pour savoir qui serait mangé. Ohé, ohé, ohé, ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Le sort tombe sur Jaco. Ohé, matelot. Matelot navigue sur les flots. On cherche alors à quelle sauce, on cherche alors à quelle sauce le pauvre enfant sera mangé, le pauvre enfant sera mangé. Ohé, ohé. Et Jaco est mangé par l'équipage. Ne soyez pas si triste pour lui. Toute sa vie n'a été que mensonge, vol, meurtre, tromperie et méchanceté. Puis, la suite de l'histoire va peut-être vous consoler. Au moment de mourir, il paraît qu'un grand procès se tient. On y fait le bilan de la vie. Pour Jaco, ce n'est pas très folichon. Alors la sentence tombe, ce sera l'enfer et la damnation. Jaco supporte assez bien son sort, mais il a tout de même un problème. Il s'ennuie. Alors il fait ce qu'il a toujours su faire, des nœuds. Sans corde à se mettre sous la main, il prend la queue des diablotins. Et c'est comme quand on fait une mauvaise blague à un copain de classe, vous savez, nouer les 2 paires de lacets ensemble. Au moment de se lever, c'est le drame. Dans les enfers règne donc un vrai bazar. Les diablotins crient, jurent, se traitent de tous les noms, et cela finit en bagarre générale. Jaco observe le spectacle en se poilant. Il est fier, le lascar, d'avoir mis sans dessus dessous le repère de Satan. Mais comme toute bonne chose, elle a une fin. Réveillé par le vacarme, Satan s'en mêle. Il entre dans une colère noire. Moi, le glouton, le gourmand, le boisson soif. Descends donc, Cro-Magnon, macrocéphale, ectoplasme. Montre-toi donc, diplodocus, babouin, mégalomane, flibustien. Et bannit le responsable de ce chaos dans un flot d'injures. Mais je vais le jeter par-dessus bord, ce crétin des actes. Satan, en lui donnant un coup de pied expéditif, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y reprendrait plus. Jamais, au grand jamais, Jaco ou l'un de ses comparses, Matelot, ne mettrait les pieds dans son brasier à l'avenir. Encore une fois, il se tire d'affaire, le fripon. Jaco, banni des enfers, n'a plus vraiment d'autre solution s'il ne veut pas errer pour l'éternité. Il s'en va frapper à la porte du paradis. Là-bas, Saint-Pierre ne l'accueille pas vraiment les bras ouverts. Mais Jaco a préparé son argumentaire. Certes, sa vie ne fut pas exemplaire. Par contre, sa mort... N'est-il pas vrai que grâce à sa petite manie, sa plaisanterie, plus jamais au grand jamais un batelier ne mettrait les pieds aux enfers? Cette action vaut bien un refuge, sans doute.